Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast créativité qui va porter sur un thème qu'il faudrait presque une vie entière, mais plusieurs vies entières d'ailleurs, pour défricher. Il s'agit du contrôle et du lâcher prise. Voilà, comment se déplace-t-on de l'un vers l'autre quand on mène une vie de créatif? C'est un débat passionnant qu'on va animer avec trois superbes invités qui sont magnifiques, que je vais laisser se présenter. Morgane, si tu veux bien. Ok, très bien. Moi je m'appelle Morgane, je suis rôliste depuis une dizaine d'années maintenant. Je fais aussi partie de la communauté des ateliers imaginaires. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une communauté de jeux de rôle indépendants issus de Silent Drift. Et je suis en train comment dire, de rédiger et probablement bientôt de publier mon premier jeu de rôle papier. Voilà. Félicitations Morgane. Merci beaucoup. Laurie, si tu veux bien prendre la suite. Bien, le profil est très similaire. Échoué sur Silent Drift, suivi sur les ateliers imaginaires, et tente d'achever mon premier livre de jeu de rôle après un premier échec. Ok, super. Ce sont les échecs qui nous construisent. C'est intéressant, faut qu'on en reparle. Eric. Il n'y a pas d'échec en jeu de rôle. Ouais, moi je m'appelle Eric Niedan, je fais du jeu de rôle depuis peut-être 1983, quelque chose comme ça. C'est ça qui m'a amené à la créativité, c'est ça qui m'a amené à l'écriture, puisque j'écris du jeu de rôle, mais aussi de la fantasy, de la SF. Et là, récemment, après un break quasi total du jeu de rôle, je me suis remis en découvrant des jeux de rôle un peu alternatifs ou narratifs, en fonction des définitions, je me suis remis à produire des choses qui sont plus du game design que de l'écriture, et j'ai un projet que je suis en train de terminer, là, dont je parlerai sans doute après. Ok, merci à vous. Donc, on va, comme d'habitude, articuler ce podcast en trois étapes. Hein. Je ne les représente pas en détail, parce qu'on les a déjà revus lors du podcast précédent. Donc, la première étape, ce sera des exemples. On va tirer là, je pense que ça va être essentiellement de nos vies personnelles pour cette fois. Ensuite, l'étape des concepts. Et puis, on finira donc avec une synthèse, une lettre au Père Noël. Donc, tout d'abord. Les exemples, et donc on avait prévu de commencer par Eric qui allait nous parler de la philosophie Making Things Fast. Ouais, alors Making Things Fast, c'est à la base c'est une conférence et un article écrit par une journaliste écrivaine, artiste un peu multicasquette anglaise qui s'appelle Lila Johnson, qui part du principe que quand on a une idée, il faut bosser dessus, tout de suite, avant d'avoir trop pris le temps de réfléchir à est-ce que c'est faisable, est-ce que j'ai le temps, est-ce que c'est la bonne chose à faire maintenant pour ma carrière. L'enthousiasme, c'est sans doute la première force du créatif, et c'est le meilleur moyen de se motiver, c'est comme ça qu'on arrive à faire un maximum de choses en fait. Et elle donne un exemple de magazine, de série d'événements, de podcasts, de bouquins, de sites web qu'elle a fait comme ça, parce qu'elle a eu une idée, elle en a parlé tout de suite à ses potes et le truc est sorti en 3, 4, 5, 6 mois. Je peux expliquer comment ça m'a influencé dans mon travail Avant, j'aurais peut-être récent. juste une question Ouais. pour. Bon, déjà, c'est vachement intéressant. voilà, ça c'était vachement constructif. Concrètement, co comment ça se passe en fait, d'après ce qu'elle dit? Quand tu as une idée, il faut que tu passes tout de suite à la réalisation, tu restes focus sur un seul projet jusqu'à la réalisation finale, ou est-ce que c'est autre chose? Pas forcément, je dirais. C'est plus le fait qu'il faut pas planifier, il faut pas réfléchir aux conséquences. Elle donne trois règles. Elle dit il faut ne plus s'en faire, ne plus penser en termes d'ambition Et stop making claims, donc ne plus. Je ne vais pas arriver à le traduire proprement. Ne pas réfléchir en termes de propriété de ses idées. Donc, C'est-à-dire, tu peux développer ce troisième point? c'est-à-dire que. Alors, je suis obligé de travailler. Avant, elle avait installé son truc. Elle avait mis le texte sur son blog et c'est plus le cas. Donc, je suis obligé de travailler à partir d'une vidéo de présentation. Je vais retrouver la bonne. La bonne slide, avec un peu de chance. Je suis en train de cliquer comme un fou sur Vimeo. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas, il faut pas chercher absolument à garder son idée pour soi et l'ouvrir aux autres, c'est ça? Ouais, et puis il faut arrêter de dire moi j'ai fait ça. Il faut arrêter de se définir en fait. D'accord. Il faut laisser les gens se faire leur propre opinion de ce que tu es et de ton travail par ce que tu fais. Tu vois, arrêter de d'écrire sur ton CV je suis le vidéaste révolutionnaire qui a inventé telle ou telle méthode. Il faut dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et les gens te donneront une étiquette si besoin, et tu vois. C'est-à-dire que tu fais pas ton auto-promo, quoi. Si tu parles de ce que tu as fait, c'est de façon neutre, juste en bah, disant effectivement je suis l'auteur de tel truc. Voilà, tu bosses et tu te définis pas, et du coup, si tu te définis pas, je pense, là c'est moi qui extrapole par rapport à ce qu'elle dit, tu te limites pas. Si tu dis je suis écrivain, tu vas pas forcément t'intéresser à, je sais pas moi, à l'écriture interactive ou aux jeux vidéo parce que tu es écrivain. Ouais, c'est une Alors façon que de si tu fais, j'ai s'ouvrir écrit des le histoires, possible, quoi. ouais. Elle dit que c'est une chose qui te ralentit surtout de trop te donner d'étiquettes. Et est-ce que c'est pas aussi une façon de se placer la barre un peu trop haut, par face, c'est-à-dire que j'ai fait tel truc, c'était super, ça va être vraiment compliqué de faire quelque chose à nouveau d'aussi bien, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Si tout de suite tu mets si tu te mets des scores sur ce que tu as fait, tu vas peut-être te limiter ou ne plus chercher à faire la même chose. Elle dit aussi que toute écriture, enfin toute définition de ce que tu fais, toute écriture à propos de ce que tu fais te donne de la distance par rapport à ce que tu fais. Et c'est pas forcément une bonne chose. C'est bien d'avoir une vision a posteriori peut-être de ce que tu as accompli, mais pendant ou avant le processus de création, c'est à nouveau c'est se mettre des barrières dans la tête, de réfléchir, de voir, de décider à l'avance dans quelle direction on va aller. T'as quand même le droit, par exemple, de répondre à une interview où on demande de retracer ton parcours, quoi. Enfin, où là tu pourras peut-être t'étendre quand même sur ta démarche, sur ce que tu as voulu faire. Est-ce que ça, c'est compatible avec le making things fast? Je suis pas sûr en fait. Alors après, moi tu vois, une vidéo que j'ai regardée 3 fois dans ma vie. J'ai vu le blog et j'y repense quand je bosse sur des projets. Mais après, c'est pas non plus, c'est pas une philosophie, c'est pas David Allen dont tu as parlé tout à l'heure. Elle est pas ancienne gourou. Ouais, non, mais bien Donc sûr, mais c'est à la ce qui limite, m'intéresse, c'est c'est à elle de qu'il faudrait poser comprendre la quel est le question. message, pas forcément d'en faire une Ouais. philosophie, mais de Non, comprendre ce qu'elle veut dire, quoi. ça t'empêche pas évidemment de regarder ce que tu as fait, d'expliquer ta démarche, etc. Mais je pense que l'idée c'est de rester focalisé sur ton travail au moment où tu fais ton travail et d'être. Ben là, c'est vraiment du lâcher prise à ce niveau-là. Tout à fait, ouais. C'est le zen de la Excuse-moi, je vais créativité. encore t'interrompre une dernière fois. Oh, mais je t'en prie. C'est vrai que, bon, c'est une définition que je vous inviterai à battre en brèche hein, tout le long du podcast, mais s'il faut donner une définition du lâcher-prise, si moi je devais en donner une, c'est concrètement se focaliser sur le présent. et non pas non et ne, du coup ne pas se focaliser sur l'avenir, ne pas se focaliser sur le passé et ne pas non plus se focaliser sur des sur nos pensées, sur des choses qui sont pas ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc rester concentré voilà, sur le présent, et en l'occurrence peut-être quand on est créatif, c'est sur la tâche présente, quoi. Et le contrôle, bah, quelque part, ça pourrait être soit tout ce qui est en négatif de cette définition du lâcher prise, ou alors ça peut être d'autres choses, hein, c'est-à-dire qu'on verra peut-être qu'il est possible de contrôler tout en lâchant prise. Peut-être, ou peut-être pas. Je pense qu'on peut alterner les deux. Et du coup, Eric, tu voulais nous expliquer, toi, comment tu ça te servait un petit peu dans ta vie dans ta vie de créatif, quoi. Ouais, j'y repense, je repense à cette philosophie à chaque fois que j'ai une idée pour un nouveau projet. Et il y a des fois où ça me sert à rien parce que je suis trop occupé à faire autre chose, mais il y a des fois où je me dis finalement c'est une bonne idée, je vais arrêter d'y réfléchir plus que ça et je vais commencer à bosser dessus et on verra bien. Et du coup, tu lâches ce que tu es en train de faire? Ou pas forcément parce qu'il y a des deadlines et tu vois, il y a des clients qu'il faut que. doivent recevoir ce que je leur ai promis, sinon ils ne me payent pas, et ça peut poser un souci. Mais par contre, oui, ça peut prendre la priorité sur des choses que j'avais prévu de faire. Et là, par exemple, le jeu sur lequel je bosse en ce moment, il a mis en retard mon prochain roman. Mais c'était un roman, tu vois, pour lequel j'avais pas de deadline, j'ai pas d'éditeur, j'ai rien signé encore, donc c'est pas vraiment grave. Et si je m'étais pas dit ça ce matin de février dernier, j'aurais pas un jeu là qui vient de passer en playtest et qui a l'air d'intéresser beaucoup de gens. Tu parles de White Books? Ouais. Peut-être à la limite, est-ce que tu veux du coup nous présenter un petit peu White Books, et puis peut-être même du coup nous dire comment l'idée t'est venue, qu'est-ce que t'as fait du coup pour la mettre en œuvre rapidement Ouais. Donc White Box, c'est un jeu de rôle minimaliste dans le sens où il tient dans une toute petite boîte et encore on n'en a pas besoin. En PDF, il doit faire 6 pages. Il se compose, ce sont des pages qui peuvent se plier pour faire des petits livrets de format A7. L'idée du jeu est de faire une soirée d'exploration d'un donjon comme on en faisait autrefois dans les toutes premières boîtes de Donjons et Dragons. White Box, c'est un jeu de mots sur la White Box, la toute première boîte de Donjons et Dragons qui est sortie il y a 40 ans maintenant. Mais l'idée, c'était d'avoir un truc sans préparation avec 4D, 6 petits livrets dans ta poche, un petit écran et pas de maître de jeu qui se retrouve obligé de préparer un scénario pendant des heures et des heures. Et on a 2 heures, 3 heures, 4 heures, on va s'asseoir autour d'une table et on va raconter une histoire. Il y aura des vampires, des dragons, des forêts hantées, en fonction de ce qu'on a envie de créer sur ce moment-là, puisqu'il n'y a pas d'univers. L'univers, on va le créer pendant la partie, en fait. Tout ça dérive de Dungeon World, qui dérive lui-même de Apocalypse World, pour le système de règles basique. Et donc, j'ai eu cette idée un matin, alors que quelqu'un avait posté sur Twitter une photo de la White Box. Et que j'avais répondu à ce gars-là, si j'avais ton adresse, j'irais te la voler parce que je l'ai jamais vue. Il m'a répondu qu'il avait un fusil, tout ça, tout ça. On n'a pas continué à discuter longtemps à partir du moment où il m'a menacé de me tirer dessus. Je ne sais pas trop comment, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo si les livrets, puisque la White Box originale, c'était une boîte blanche, donc avec 3 livrets. Trois petits livrets blancs qui étaient à l'intérieur. Ça serait rigolo si on faisait un jeu qui rappelle cette boîte où on aurait des livrets, et puis de fil en aiguille en prenant des notes tout de suite. Ça, c'est un truc que je fais naturellement. Quand j'ai une idée, je l'écris tout de suite. Je fais une carte mentale si besoin, je fais des petits schémas, etc. Et très souvent, ça finit au fond d'une poche, dans un tiroir ou à la poubelle. Ouais. Est-ce que je peux t'interrompre Ouais, un instant? bien sûr. En fait, là, ton anecdote, ça me fait beaucoup penser à une marotte personnelle que j'ai. Enfin, ça me fait penser à la, c'est en fait de la sérendipité. C'est-à-dire que tu vois quelque chose dans un, t'es pas forcément dans un contexte où tu te dis tiens, je vais être créatif, il faut que j'invente quelque chose, et tu vois un objet, et puis tout d'un coup, tu fais une association avec, et il y a une idée qui vient de là, quoi. Ouais. Et l'idée, et en fait, si j'ai bien compris, du coup, l'idée de making things fast, c'est que de vraiment accueillir cette sérendipité en s'en servant tout de suite, quoi. Entre guillemets, on profite bah, de espèce d'éclair de génie qui en est pas en fait. Hein, c'est juste un mélange entre notre façon de voir les choses, puis notre culture, et puis sans doute un substrat d'idées qui est tout le temps en suspens quoi, dans notre cerveau. Et puis tu l'optimises tout de suite en mettant ça en pratique, quoi. Ouais, complètement. C'est surfer la vague de l'inspiration, en fait, je pense. Et profiter de la vitesse qu'on acquiert en descendant la vague pour grimper la suivante. Le deuxième truc que j'ai fait, en fait, c'est tout de suite, j'ai eu l'idée de ces mini-livrets et j'ai tout de suite fait un mini-prototype. Alors, tout pourri, je pense que j'ai même commencé par faire un truc sur papier, à la main, je veux dire. Et puis, j'ai fait un petit fichier vite fait sous OpenOffice que j'ai imprimé. Et ce que j'ai fait immédiatement, c'est que j'ai pris une photo et j'ai mis ça en ligne sur Google+. Parce que ça, c'est le deuxième ressort de la motivation, en tout cas chez moi, c'est être dans l'œil du public. Et s'engager entre guillemets à faire quelque chose. Quand on écrit un roman, c'est un truc que beaucoup de romanciers utilisent. En tout cas, ceux qui commencent à écrire des romans, c'est qu'ils en parlent autour d'eux pour avoir cette pression et pas se retrouver pour que ce soit pas facile de laisser tomber en fait. Si tu dis à ta famille, à tes amis que t'es en train d'écrire un roman, tu vas les retrouver 2 mois plus tard et ils vont te dire alors, comment ça avance ton bouquin? Et puis je crois qu'il y a une envie aussi, enfin, j'imagine quand t'as enfin, une idée comme ça qui te rend vraiment enthousiaste. En plus, la perversité du truc, c'est que je pense que les idées nous enthousiasment plus que la réalisation, de toute façon. Oui, parce Je que la pense que t'as réalisation, envie d'en parler, quoi. Quand vraiment ça te motive, tu dis, ah, vache, j'aime bien mon idée, quoi. Je la kiffe. Il faut que je partage ça le plus vite possible, quoi. ouais, bien sûr. Mais une idée, même si t'en parles, tu peux très bien t'en désolidariser ou elle peut être remplacée par une idée plus enthousiasmante une semaine après, etc. Alors que si tu dis aux gens que tu connais ou même aux inconnus sur Internet que tu es en train de bosser sur tel ou tel truc, d'une part, tu vas t'engager d'une certaine manière à produire quelque chose qu'ils pourront voir dans une version finale ou quasi finale, et d'autre part, tu testes aussi l'intérêt de ton éventuel public. Et là, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que tout de suite, j'ai eu des messages en me disant ouais, c'est quoi? Comment ça marche? Ça m'intéresse. J'aime bien l'idée d'avoir un mini jeu de rôle dans ma poche, etc. Et donc, par la combinaison de l'enthousiasme interne, si tu veux, de mes propres découvertes et du fait que j'avançais, que je voyais, j'avais fini le premier livret, je passe au deuxième, au troisième, etc. Et puis je commence à voir comment ça tourne, et puis j'organise un premier playtest. L'enthousiasme extérieur de voir que chaque fois que j'en parlais, il y avait des nouvelles personnes que ça intéressait. De fil en aiguille, en 4 mois, en 15 itérations, je crois, il y a quelque chose comme 15 versions du jeu que j'ai testé moi-même ou que d'autres gens ont testé. Je me retrouve avec un truc que j'ai pu depuis hier montrer au public, entre guillemets, puisque j'ai fait passer le jeu en bêta ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui, mais qui me le demande le reçoit et peut y jouer et peut me dire ce qu'il en pense. Et tout ça sans Making Things Fast et sans Internet, ça n'aurait pas été possible. Je crois que j'ai fait le tour. Pour faire un parallèle avec ça, je crois que Lionel Davoust a mis un article de blog où il expliquait que quand il devait écrire un nouveau roman, il commençait d'abord par les scènes qu'il préférait, en fait, justement pour rester dans la motivation, Il y a Joss Whedon aussi, l'auteur de Buffy, des Avengers et tout un tas de trucs là, Firefly aussi je crois, qui a une phrase que j'aime bien, c'est manger le dessert en premier quoi. Bah, tu veux dire la même chose quoi. C'est quand vous êtes dans un projet aussi, commencez par les parties les plus cools du projet et après du coup tout le boulot un peu chiant, rébarbatif, les finitions, rajouter du gras dans l'histoire, tout ça. Passer une couche de vernis ou faire la promo de son objet, eh ben ça viendra tout seul parce que quand t'as des si t'as déjà fait la partie cool de ton projet, bon bah t'as fait 80% du boulot et le reste, bon même si ça se trouve ça va prendre 3 fois plus de temps, mais bon tu vas le faire de bonne grâce parce que le bébé il est quand même presque venu au monde, ce serait dommage de laisser tomber à ce stade quoi. Voilà, et t'as quelque chose qui existe déjà. Et ça, pour revenir à Making Things Fast, c'est ce qu'elle dit aussi. Vous aurez peut-être pas produit le morceau de musique qui va révolutionner une génération, ni le nouveau roman à succès ou qui sera étudié pendant les siècles à venir dans les universités, mais vous aurez fait quelque chose. Ce sera là, ce sera à votre compteur, ça vous aura appris des choses. Et puis t'es pas à l'abri de faire un super truc, hein. Georges Sand, elle a écrit La Mare au Diable en une semaine, quoi. On peut imaginer, bon, qu'elle a fait ça dans un petit peu dans un état d'esprit similaire, quoi. C'est très possible, ouais. Et puis de toute façon, il n'y a que en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est la pratique qui rend parfait, et toutes ces sortes de sagesse populaire qui, pour une fois, ont raison. C'est 80, la créativité, c'est 95% de travail, comme dit je ne sais plus qui, mais et donc on a vraiment besoin de pratiquer, et pour pratiquer, il ne faut pas se mettre des barrières. Je crois que c'est le principal. Si je peux, je rajouterai un dernier truc avant de passer à la suite. Il y a Léo Babota du blog Zen Habits. C'est un blog sur les habitudes zen, Je le connais. sur le lâcher prise notamment. Et il dit justement n'ayez pas de projet quoi. C'est pas dans le sens de se dire qu'on n'imagine pas qu'on va faire telle ou telle œuvre un jour parce qu'on en a eu l'idée. Mais effectivement, il faut pas ne pas se donner effectivement un agenda trop rigide. Et puis surtout, laisser toujours de la place pour des idées imprévues qui parfois vont être beaucoup plus stimulantes que celles qu'on a prévues juste avant. Ouais, bon, on se rejoint complètement. Ouais, il faut pas de même que j'imagine qu'il faut pas passer sa vie de créatif à réaliser les rêves de la personne qu'on était avant. Tu vois, moi, je sais que par exemple, quand j'étais jeune, j'avais plusieurs idées de romans que j'ai jamais écrits, et finalement aujourd'hui je me dis, bah, je les écrirai pas parce que aujourd'hui je serais capable de les écrire, mais l'idée de base du roman on me plaît plus, quoi. Ouais. Et il vaut mieux rester ouvert à des idées qui nous correspondent plus aujourd'hui, aux idées qui vont nous venir, quoi. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Ça remet les choses en perspective aussi à mon niveau, je trouve. Et pour finir avec ça, désolé, je suis bavard. Non, non, mais c'est ton podcast. Je pense que c'est cette idée-là de Making Things Fast que j'aime beaucoup. Hein. Elle est aussi valable même pour des projets qui prennent la poussière. Moi, je sais que j'avais un projet de jeu de rôle qui s'appelle Wonderland, qui va être un jeu de rôle sur la réalité virtuelle. J'avais l'idée globale, déjà il y a 2-3 ans. Hein. Je savais de quoi ça allait parler. Mais je butais complètement sur plein de trucs. Enfin, il me manquait, grosso modo, j'avais juste la première idée, quoi. Puis, voilà, je savais que j'allais le faire, mais là, j'avais vraiment pas assez de matériaux pour le faire. Et donc, au fur et à mesure que je bossais sur d'autres projets, enfin, pendant 2 ans, en fait, à chaque fois que j'avais une petite idée sur Wonderland, je la notais dans un fichier. Et puis, là, j'ai fini le développement d'un autre jeu qui s'appelle Arbre. En fait, de la minute. Quasiment, de la minute où je me suis dit, ça y est, les règles d'Arbre, elles sont finies. Là, comme elles sont faites, ça roule, je n'irai pas plus loin dans les règles. Eh bien, j'ai des idées pour Wonderland qui sont arrivées, mais en flash monstrueux, quoi. Et grosso modo, en 1 heure de cogitation, quoi, j'avais tout mon système, quoi. Et du coup, après, pendant 2 semaines, j'ai eu plein d'autres idées qui me sont arrivées comme ça en rafale, que j'ai toutes notées, quoi. Et là, je passe au playtest. Mais c'était un projet de jeu qui était en stagnation complète depuis 2 ou 3 ans, quoi. Mais ça n'empêche pas que tu as eu l'idée et l'envie de le faire à ce moment-là et que du coup ça t'a motivé à finir le projet. Donc, ouais. C'est quand même la même chose. C'est pas forcément il n'est pas question de faire de concrétiser une nouvelle idée à chaque fois. L'idée c'est de quand tu as la motivation de faire quelque chose, il faut te donner le temps le temps de le faire et surtout arrêter tous les processus de ton cerveau qui te disent ce que c'est pas la meilleure chose à faire maintenant. Bah, surtout que je crois que l'inspiration c'est une. Enfin, quand les idées elles viennent un peu quand elles veulent, enfin pas tout à fait, je pense qu'elles viennent quand t'as fait de la place dans ton cerveau pour elles. Et quand elles viennent, il faut en profiter parce que y a plein de trucs qui peuvent être reportés. Enfin, tout ce qui est les finitions, les tâches un peu rébarbatives, c'est des tâches que tu peux faire n'importe quand, quoi. Donc c'est des tâches qui peuvent être reportées, tandis que l'inspiration, elle peut pas être reportée. Non. Je crois pas du tout à la muse. Je pense que la muse, il faut savoir l'enchaîner à son bureau et la forcer à bosser. Mais il n'empêche que quand elle est là, il faut en profiter. Quand elle fait son boulot sans qu'on soit obligé de la fouetter, c'est bien de ne pas perdre de temps et d'agir immédiatement. Et comme tu dis, ce qui est rébarbatif et ce qui n'a pas besoin de beaucoup de neurones, ça peut toujours se faire à n'importe quel moment, à 11h du soir avant de se coucher, les jours où on n'a pas beaucoup dormi, ou les jours où on n'est pas forcément en grande forme. Voilà. Alors, si tu veux bien, Eric, on va passer à Laurie qui voulait nous parler de son expérience pour élaborer son. D'abord un premier échec et ensuite une réussite. Le jeu de rôle Sacrifice. Voilà. Donc, je vais commencer par l'échec. Ah, oui, je veux bien, ouais. J'aime bien l'histoire d'échec. Donc, l'échec, qui n'en est pas un, comme dit Eric, il est juste en stand-by, on va dire. Ma première idée, c'était de faire un hack de Dogs in the Vineyard. Que j'ai appelé Neugordien et sur lequel j'ai travaillé un petit peu. Et là, j'étais en lâcher prise tout le temps. Toutes les semaines, je pensais que j'avais fini la fin de la semaine. Et puis, j'avais un nouveau truc qui me venait, je repartais sur... Enfin, je faisais un autre truc dans le jeu. Pendant une semaine, je bossais dessus. Et puis je me suis dit, ah, c'est bon, à la fin de la semaine, ça sera fini. Et comme ça, pendant 4 mois. Et à la fin, je regarde et je me dis, bah, je suis parti n'importe comment. Ça ressemble à rien. Comme si j'avais peint un truc, une grande toile de 3 mètres sur 3 en ayant le nez collé au truc. Et au bout de 3 mois, j'ai reculé, j'ai fait, ouf. Donc ça, j'en attribue l'échec, principalement parce que j'ai pas de technique, c'était ma première expérience, et je considère que le jeu était, en tout cas le projet, parce que je mets pas que le jeu dans le projet, trop ambitieux pour ce que je savais faire. Donc j'ai commencé, j'ai créé mon site à ce moment-là, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai galéré, ne serait-ce que pour créer la page de présentation, quoi. Si je peux me permettre de t'interrompre. Vas-y. Au moment où tu crées ton site, t'es à quel avancement dans le jeu? T'as déjà écrit quelque chose? Bah, en fait, il a subi plein d'étapes, puisque quand je suis arrivé sur Silent Drift, j'ai écrit une page A4 qui ne listait en fait que les techniques pour hacker Dogs et l'adapter à mon univers, qui était... pour l'adapter à L5R. Et une fois que j'avais posté ma page A4, pour moi j'avais fini, quoi. J'ai dit, oh bah tiens, j'ai posté un hack, voilà, terminé, quoi. Et puis, les personnes qui m'ont accueilli sur Silent Drift ont été assez ambitieuses en me disant, bah, fais mieux, quoi. Fais ton jeu. Et c'est comme ça que je me suis dit, oh, bon bah tiens, je peux changer ça, hop, j'ai fait une page de plus, bah j'ai fini. Et puis hop, tiens, tu peux faire une page de plus. Ah bah j'ai fini. Et jusqu'à ce que Christophe me convainc, de faire un jeu à part entière, quoi. Christophe Buckley. Hein. Voilà. Et donc ouais, j'ai fait un site. On me dit, mais pareil, le site c'était pour promouvoir le jeu qui n'était même pas fini, quoi. J'ai fait des montages vidéo pour expliquer des scènes. Je savais même pas comment s'appelait le système, comment s'appelaient les règles, et je mettais des exemples de règles dans les sous-titres, quoi. J'ai dû passer 10 heures pour faire une vidéo de 30 secondes que j'ai jetée quelques temps après, quoi. Donc j'avais plein d'envie. Je suis passé en fait du mode, tiens, je fais un doc PDF de 2 pages pour hacker Dogs, à je fais mon jeu. Et l'idée m'a emballé. Et du coup, je suis parti dans tous les sens. J'ai fait vraiment tout ce que j'avais envie de faire. J'ai couché toutes mes idées. Mais j'ai pas fait juste coucher mes idées sur papier en me disant bah tiens, faudra que je fasse ça, quoi. J'allais jusqu'au bout en n'ayant aucune idée comment on fait pour faire ça. Donc je parle pas que du jeu, je parle aussi tout ce qui était site, montage vidéo, PowerPoint, des trucs Excel, s'intéresser au mode de diffusion des jeux, que ce soit Lulu, que ce soit Kickstarter, alors que j'en étais même pas là, quoi, honnêtement. J'ai commencé à chercher des illustrateurs, enfin, je partais sur chacune de mes envies, je les exploitais à fond, quoi. Donc là, je considère que j'étais un peu en lâcher prise tout le temps, et à un moment, je me suis dit, mais ça ressemble à rien, j'arrive pas à mettre les trucs bout à bout, c'est trop gros pour moi. Et il y a eu aussi des raisons personnelles qui ont fait que j'ai été obligé de couper pour me consacrer à d'autres choses. Et quand j'ai eu à nouveau du temps, je me suis dit, bon, faut que je commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Et je reprendrai Neugordien quand je saurai faire les choses, parce que là, ça me prend trop de temps d'apprendre à les faire. Si je peux me permettre, en plus, Laurie... J'ai l'impression que tu as tout de suite fait beaucoup de communication autour du jeu, alors que les règles du jeu en elles-mêmes n'étaient pas abouties, quoi. Je me trompe? Elles n'étaient pas abouties parce que je savais pas sur quoi j'allais. Pour moi, c'était juste un hack, donc je reprenais juste les règles de Dogs telles quelles, ouais. et j'avais, entre guillemets, terminé, quoi. Je changeais 3 mots de vocabulaire, j'expliquais mes intentions, et le jeu était fini, quoi. Jusqu'à ce que je me dise ça je peux en faire mon propre jeu, j'ai 5 versions, enfin 5 univers différents, et limite j'étais déjà en train d'écrire les autres, quoi. Donc ça ressemble à... Tu t'es laissé dépasser, quoi. Ouais, je me suis laissé dépasser parce que j'avais plein de pistes, je savais pas laquelle exploiter, et pour faire le choix je me suis dit je vais creuser chaque piste à fond. Et pour avoir suffisamment d'éléments de comparaison et faire mon choix, faire un choix raisonné. Et pas me dire, comme tu l'as dit précédemment, je fais pas ça parce que c'est peut-être plus facile de pas se lancer dedans que de le faire. Donc voilà. Et donc je suis reparti sur un autre projet qui est Sacrifice, qui est beaucoup plus petit en termes de quantité de texte, d'ambition, de plein de trucs. Et je me suis dit, je vais faire mes armes sur ce truc-là. Qui en plus n'est pas pompé d'un univers, d'un système de jeu existant, ni d'un univers existant. Et puis je me suis dit, je vais faire un PDF gratos, je vais pas m'emmerder à creuser tous les systèmes de diffusion et de publication qui existent et tout ça, quoi. Donc je suis parti sur quelque chose de beaucoup moins gros. Mais aussi parce que j'avais quand même envie de le faire, et j'ai alterné. J'ai alterné beaucoup plus intuitivement les phases de contrôle et de lâcher prise, c'est-à-dire que quand j'exploitais une piste, j'allais dessus, et puis assez rapidement j'essayais de prendre un peu de recul en me disant dans quoi je pars. Et comme le jeu est beaucoup plus court, enfin, tout le problème de rédaction aussi de texte. Je ne suis pas un littéraire, je n'ai jamais écrit un bouquin, je n'ai jamais écrit des règles. Et à part me rendre compte qu'il y a pas mal de choses dans les bouquins de règles de jeux de rôle que je trouve pas forcément bien organisés, mais tous les bouquins sont structurés de la même manière, donc c'est une habitude de rôliste que je peux avoir et qui me permet de lire facilement les bouquins de règles. J'avais envie d'être un peu plus pédagogique dans ma démarche, et j'ai pas forcément beaucoup d'exemples à me mettre sous la dent, donc il a fallu que je réfléchisse à comment expliquer le jeu de rôle un petit peu différemment, quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup plus alterné contrôle et lâcher prise, mais toujours lâcher prise en premier, c'est-à-dire que je creuse une piste et au bout d'une semaine je regarde vers quoi ça va, ce que ça donne, et je réoriente un petit peu si je m'éloigne un peu trop du sujet ou au contraire. Alors je gaspille quand même énormément de temps, ça j'en ai bien conscience. J'ai aussi fait des choses à l'envers, mais c'est ce qui me permet d'a... Tu peux donner un exemple quand tu dis gaspiller ton temps Bah pour pouvoir quand même tester le jeu, j'ai écrit une aventure. Donc ça assez rapidement, on l'a testé donc avec Géronimo, et ça fonctionnait. Et là, même chose, à partir du moment où ça a fonctionné, j'ai eu des tonnes d'idées de scénarios, je me suis dit, oh, je vais en écrire, je les mettrai sur le site et tout ça, et j'ai commencé à en rédiger un paquet, sans avoir totalement défini la structure d'une aventure ou les intentions complètes du jeu. Enfin, on avait écrit une aventure, ça s'était bien passé, de là à généraliser, à en écrire plein d'autres, sans avoir les règles et le fonctionnement du jeu totalement défini, c'était assez stupide. Et du coup, ces aventures supplémentaires que tu as rédigées, tu as dû les jeter, les réadapter Je les ai modifiées une trentaine de fois facilement. C'est un jeu qui joue avec des cartes. Je viens de faire la dernière version, enfin j'espère que c'est la dernière version, des cartes de mon deuxième scénario qui doit avoir ouais c'est pareil, je sais pas combien de mais des détails assez stupides quoi, comme la couleur ou la taille ou le format du texte. C'est pas un truc où tu passes des heures dessus tant que tu t'es même pas encore sûr de à quoi va ressembler ta carte, quoi. Donc Et à chaque fois, en fait, chaque fois que je modifie ma carte pour une raison quelconque, en termes de marge, en termes de vocabulaire, je reprends toutes les cartes de tous les scénarios et je me les change toutes à chaque fois, quoi. Donc c'est en ça que je gaspille du temps. Maintenant, ça me permet de créer une boucle qui est j'améliore quelque chose, je le teste. Ça me permet de réaméliorer, de retester, de réaméliorer, de retester. Donc, en ça, je considère que je gaspille pas mon temps. Mais maintenant, après, pourquoi est-ce que tu rérédiges tous tes scénarios à chaque fois que tu changes un peu les règles ? Est-ce que tu peux pas attendre que les règles soient finies pour rédiger les scénarios ? Parce que à ce moment-là, j'ai envie de jouer le scénario. Et je peux pas m'empêcher de passer. T'as besoin d'un support écrit de scénario fini pour le faire jouer ? Non. Mais c'est ça que j'ai en tête à ce moment-là, et comme j'ai pas le gars sous la main pour y jouer, bah je passe mon temps sur le document, en fait. J'ai un truc en tête, je suis dessus, et ça sert à rien. Là-dessus, on est bien d'accord. Donc, j'essaie de reprendre les choses un peu plus dans l'ordre. Donc, je suis en train d'apprendre avec un truc plus simple. Et la méthode que j'utilise, ça reste quand même, je suis en lâcher prise où je laisse mes envies s'exprimer. Et par contre, je me freine un peu plus tôt en me disant, bon, Est-ce que ça ressemble à quelque chose ou pas? Je suis dans cet ordre-là. Pour aller dans ton sens, et peut-être pour donner un exemple peut-être plus facilement compréhensible par tous, je sais que moi au début, quand je faisais des textes, j'avais tendance quasiment à chaque version de revérifier la mise en page, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de phrases qui soient coupées en fin de page. Effectivement, s'il y avait des titres, mettons même un mémoire, hein, s'il y avait des titres d'une certaine façon, que la police des titres soit bien pareille partout et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai passé énormément de temps sur de la mise en page pour des versions qui étaient pas finies, quoi. Aujourd'hui, je procède complètement différemment. C'est-à-dire que quand je dois envoyer des textes au relecteur, les textes qu'ils reçoivent, y a plein de veuves et d'orphelines, il y a des problèmes de mise en page, tout ça. Tout simplement parce que j'y fais plus attention, sachant que tant que le texte n'est pas finalisé, de toute façon, la mise en page, elle sera forcément à revoir, quoi. Alors, c'est clair que cette erreur, et pourtant je savais, parce que je fais d'autres trucs que de Word ou d'Excel, que la mise en page, c'est clairement le truc que tu fais à la fin. Mais à chaque fois, je pouvais pas m'empêcher de me dire, oh, allez, quelle gueule ça va avoir, quoi. Je crois que c'est une sucrerie, en fait. C'est purement manger le dessert. C'est vraiment un mauvais dessert. C'est un truc qui te distrait du vrai boulot qui t'attend, quoi. C'est clair. Je suis pas d'accord, mais... Dis-nous en quoi t'es pas d'accord, Morgane. Je suis pas d'accord parce que j'estime que ça aide aussi, ça permet de garder le matériel à portée de main, c'est-à-dire sur l'écran, etc. On ne travaille toujours que sur le projet, mais ça permet au cerveau ou à l'esprit créatif de prendre le temps de se poser, j'estime pas que ça soit du temps perdu. Je pense que ça permet aussi de continuer à travailler sur un projet, même si à ce moment-là, on a un doute sur le contenu, qu'on se sent pas tout à fait inspiré pour écrire la suite. Au moins, on le garde à portée de main et on le garde dans la tête. Et travailler sur un fichier qu'on estime joli, lisible, etc., ça peut aider. Ouais. Ça peut aider. Je pense que là-dessus, les gens dans leur organisation peuvent être très différents. Il y a des gens qui, probablement, comme toi, écrivent le truc, hop, l'envoient au relecteur, et puis parce qu'ils savent que c'est le fond qui est important. Mais c'est peut-être dû aussi au fait que toi, tu as une certaine expérience, si tu veux, de l'écriture, de la publication, de choses comme ça. Et peut-être que c'est ces petites choses qui permettent aux gens qui débutent de se mettre dedans, quoi. Un peu comme pouvoir monter à cheval. Au début, oui, on s'en fiche de faire le tour du manège. On règle les étriers comme il faut. On fait en sorte que tout soit bien bridé, etc. Et une fois qu'on se dit, OK, je suis bien installé, j'y vais. Ce que tu veux nous dire aussi, ce serait pas également de dire que on n'est pas obligé toujours d'avoir une attention énorme autant qu'on passe sur son travail, parce que c'est vrai ce que j'avais tendance à dire en disant oui, ne faites la mise en page qu'à la fin, c'est des méthodes aussi d'optimisation du temps, mais on n'est peut-être pas obligé de toujours vouloir optimiser le temps qu'on passe sur un projet. Peut-être que ça fait partie aussi du plaisir que de perdre volontairement du temps justement à choisir des polices alors qu'on n'est pas du tout avancé dans le texte. Je me trompe, hein. C'est à moi que tu poses la question? Tout à fait, ouais. Oui, je pense que ça permet de visualiser aussi le projet, c'est-à-dire choisir la police des titres, mettre les marges, etc. Ça permet de lui donner quelque chose de très concret, visuellement, quoi, de se dire, OK, là, je suis dedans, ça y est. Et ça permet de prendre le temps de se poser. Quand j'ai pas envie d'écrire sur un truc, mais que je me dis qu'il faut quand même que je travaille, c'est pas grave, je vais faire la guerre aux fautes d'orthographe et aux petits problèmes de mise en page, et j'ai quand même l'impression d'avancer. Ok, super. Alors je suis totalement d'accord avec Morgane. La raison première qui m'a amené à vouloir poster mon hack sur Silent Drift, en fait, des jeux à la maison, j'en ai créé des tonnes, quoi. Mais tous sur des feuilles de brouillon ou des hacks de jeux, mais c'est que des trucs écrits au crayon de papier sur des feuilles en vrac. Et à chaque fois, je me suis dit, un jour, il faudra que je fasse un truc propre, quoi. Et l'arrivée sur Silent Drift, c'était aussi la motivation de me dire, je vais essayer de faire un truc propre pour pouvoir le partager avec d'autres, quoi. Et c'était. Et là, je garde, en fait, je retrouve dans ce que Morgane dit, cette envie de dire, j'ai envie de faire un truc qui, un peu plus propre que tous mes cahiers de brouillon qui traînent en vrac dans ma salle de jeu et avec lesquels je joue habituellement, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette petite envie d'avoir un texte joli et lisible. Et je vais répondre aussi à ta question, Thomas. Cette perte de temps, je ne la considère pas si inutile que ça. On a eu cette discussion sur un article où tu avais écrit zéro délai sur Silent Drift à l'époque. Ouais, zéro délai, zéro deadline. Ouais, et pour moi, en fait, ne sachant pas encore à quoi ressemblait le projet final, il me semblait important de lui laisser du temps pour mûrir, même si j'avais des idées qui foisonnaient. Il faut aussi un moment se poser, laisser mûrir pour avoir d'autres idées qui vont arriver ou d'autres visions du projet ou l'approfondir. Et bah tiens, je fais un truc qui n'est pas du texte, qui n'est pas ma règle, mais je reste l'esprit dans le jeu et je gagne du temps pour que de nouvelles idées arrivent et me permettent de continuer de mûrir le projet, parce qu'entre la tronche qu'il avait au premier mois et à quoi il ressemble aujourd'hui, ce temps-là était nécessaire. J'aurais pas été capable de le faire en un seul mois. Par contre, aujourd'hui, je pense que j'ai laissé le temps d'exploiter toutes les idées qui m'étaient venues. Et aujourd'hui, je suis plus que dans le contrôle. Et je mets à plat et j'organise toutes les pistes que j'ai exploitées précédemment. Et le projet avance beaucoup plus vite. Mais en même temps, c'était nécessaire d'exploiter toutes les pistes avant. Je pense que tout est bon tant que tu perds pas ta motivation. Voilà. Si ce dont tu as besoin pour avancer un dimanche soir sur ton projet sur lequel tu n'as pas bossé de toute la semaine, c'est t'organiser, c'est bosser sur ta mise en page alors que tu sais que c'est pas final, etc. Tout est bon. Il faut le faire. Parce qu'au moins tu as avancé et du coup, ben, le lundi, tu sauras que. La semaine précédente, t'as avancé et ça te motivera pour travailler dans la semaine à venir. Là aujourd'hui, je sais très exactement ce qu'il me reste à faire, dans quel sens ça va aller. Les pages qui ne sont pas écrites, je sais quel texte il va y avoir. Alors que Nœud Gordien que j'ai laissé en stand-by, c'est parce qu'il y avait trop de choses auxquelles je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas comment commencer le bouquin, comment organiser mes chapitres, quoi mettre dans quel chapitre. Et j'arrêtais pas de changer sans arrêt mes chapitres. Et je tournais en rond, quoi. Alors que là, c'est clair, quoi. Et je pense que j'ai terminé. Je te remercie bien, Laurie. C'était intéressant. Je pense que ça ouvre aussi des portes. Et Morgane, je crois que tu as peut-être une expérience un peu similaire avec l'élaboration de ton jeu de rôle Chrysopée, qui s'appelle pas tout à fait Chrysopée d'ailleurs, je Oui, crois. c'est sur la route de Chrysopée, mais comme le titre est un peu long, je le raccourcis. À la différence de Laurie, alors je suis désolée Laurie, je risque de t'appeler Chériot, mais faut pas m'en vouloir, c'est un vieux réflexe. Non, il n'y a pas de souci. Ah, donc Shiryu, qui est son pseudo sur le forum Les Ateliers Imaginaires. En fait, Voilà. on a commencé l'enregistrement, les premiers mots que vous avez dit, c'est Laurie, donc on est parti sur Laurie, mais Thomas, c'est vrai que d'habitude, il m'appelle Chériot aussi. Donc. D'accord, bon, si ça te pose pas de problème, alors ça va. Non. Donc, à la différence de Laurie, j'ai pas d'expérience d'échec. J'ai un processus de maturation du projet qui a été excessivement long et excessivement fastidieux parce qu'il correspond aussi à une période professionnelle où je suis donc au chômage et où donc ce genre de période n'est pas toujours facilement abordé par les gens qui sont créatifs, etc. Parce que c'est quand même beaucoup de soucis, beaucoup de remises en question. Sur la route de Chrysopée, à la base, c'était un projet de jeu de rôle tout bête comme ça sur les haïkus. Voilà, parce que j'aime bien tout ce qui est asiatique et j'aime bien le voyage. Et donc, je voulais faire un petit truc sur les haïkus, parce que j'ai toujours bien aimé ça. Et j'en avais beaucoup parlé avec quelques membres des ateliers imaginaires. On avait commencé à bosser là-dessus. Et puis, au bout de 3 ou 4 mois, à retourner tout ça dans ma tête, je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. C'est mignon, les haïkus, j'ai bien envie d'exploiter ça, mais je n'ai aucune idée de l'histoire à raconter. Et du coup, j'ai été obligée de reprendre toutes mes ambitions créatives et de me poser la question de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment dire avec ce projet-là, et pas juste, comme le disait Laurie tout à l'heure, poser des tas d'idées en se disant peut-être ça, et pourquoi pas ceci. Et du coup, sur la route de Chrysopée est née de ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire un jeu de rôle de voyage, que j'avais envie que ce soit une expérience très intime, donc pour 2 joueurs uniquement, et que ça ait un rapport avec l'instant, la capture de l'instant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré dans le système de Chrysopée, puisque ça permet le jeu, en fait, se base aussi sur une relation épistolaire et sur des images captées comme ça de voyage au fur et à mesure et partagées avec le correspondant. Donc finalement, Chrysopée, ça a été ma reprise de contrôle de quelque chose qui était en total lâcher-prise. Et même le projet en tant que tel a été fastidieux parce que je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. Alors dès que j'ai une idée, hop, je m'y mets tout de suite, j'ai tout de suite plein d'idées, je suis hyper motivée. À la différence de Eric ou de Laurie, je n'écris jamais rien. Je n'ai pas de petites feuilles qui encombrent mes tiroirs sur lesquelles je mets toutes mes idées. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Pour moi, une idée, elle reste dans mon cerveau jusqu'à ce que je l'estime assez mature pour acquérir une forme. Donc en fait, je peux passer des jours ou des mois à traîner une idée dans ma tête sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, et à un jour me dire, ok, je me mets à mon bureau, j'ouvre Word et je fais quelque chose. Mais ça marche aussi pour, je sais pas, mes projets de costume parce que je fais de la couture ou des projets personnels très variés. Ça y est, je suis partie en lâcher prise, donc j'ai perdu ce que je voulais dire. Et donc, Chrysopée, ça a été difficile parce que je me suis lancée dedans pendant une semaine, je travaillais dessus tous les jours, j'ai écrit des pages et des pages. Et puis, une fois que j'ai eu épuisé ce premier jet d'inspiration et qu'il a fallu commencer à se poser la question du système de règles, des enjeux du système, de la cohérence entre l'histoire et puis le système, etc. Et ben là, le ballon s'est dégonflé en fait, ça a fait flop. Et je me suis retrouvée complètement bloquée. Je savais plus quoi faire. Je me suis beaucoup documentée sur le blog de Frédéric Sintès pour avoir de la théorie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait. J'avais pas les concepts pour penser ce que je voulais. Et ça a rien donné pendant 3 ou 4 mois où toutes les semaines je culpabilisais de me dire, tiens, j'ai un projet sur mon bureau et ça va faire comme beaucoup de projets que j'ai eu avant. Je le fais pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis après j'abandonne, je passe à autre chose. Et j'avais pas envie, pas sur celui-là. On en avait parlé, Thomas, je sais pas si tu te souviens du mail que je t'avais envoyé à une époque. Ou après Ouais, avoir si, je m'en rappelle bien, ouais. beaucoup beaucoup exploité ton enfin exploré exploité ton blog de l'outsider, je m'étais dit ça suffit, je peux pas continuer à fuir comme ça, à me dire j'ai un projet, je le fais 3 mois et puis dès que je me suis confrontée à quelque chose qui est principalement hein, de la remise en cause de la valeur de ce qu'on écrit, de l'ambition qu'on a ou qu'on n'a pas dans le projet et des attentes qu'on a nous-mêmes comparées à celles que les autres pourraient en avoir. Je me suis dit, celui-là, je le termine parce que sinon, ça va me bloquer. Et en plus, à ce moment-là, bon, je ne trouvais pas de boulot, c'était vraiment difficile moralement. Je me suis dit, il faut qu'au moins que j'aie la sensation d'aboutir sur quelque chose. Et donc, je me suis dit, ce sera Chrysopée. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé sur les ateliers imaginaires. C'est ce que tu disais, Eric, tout à l'heure. Je pense que c'est effectivement très important d'en parler à des gens. On peut commencer juste par des amis. Moi, j'ai commencé par mon compagnon et puis par quelques amis, voilà. Juste pour tâter le terrain, pour dire, bon, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et quand les gens disent, ça a l'air d'être une bonne idée, déjà, ça rassure. Ça rassure et ça permet de se dire, bon, bah, je suis pas complètement à côté de la plaque. C'est eux, en fait, qui apportent le cadre et c'est eux, quelque part, qui font office de contrôle sur nos peur intérieure, etc., qui pourrait nous conduire à vraiment lâcher prise au sens propre, c'est-à-dire à laisser le projet tomber et à dire « Ok, c'est pourri ce que je fais, je passe à autre chose. » Et j'en ai parlé sur les ateliers et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, le projet de Chrysopée est quand même bien avancé parce qu'il est passé en phase de playtest, même si j'intègre encore pas mal de petites corrections au fur et à mesure. C'est quand même super important et j'ai pris contact avec une amie qui est illustratrice et je me suis plus ou moins engagée auprès d'elle aussi à ce que ce projet aboutisse. Du coup, je peux plus faire marche arrière. Je me suis mis mes propres garde-fous pour me dire maintenant c'est trop tard, t'en as trop fait, tu en as trop parlé, t'as trop de gens qui éventuellement te disent qu'ils veulent le jouer, etc., ou qu'ils veulent travailler là-dessus. Donc, va jusqu'au bout. Tu peux plus faire demi-tour. Donc voilà, ça c'est un peu l'expérience de, c'est un peu l'expérience autour de sur la route de Chrysopée, qui a vraiment alterné des périodes de contrôle et de lâcher prise très en dents de scie, et que maintenant que ça va mieux, qui est plus en phase de contrôle. Maintenant, je sais ce que je veux, je le visualise très bien, et donc je le tiens, il tient plus facilement dans ma tête. Il peut moins m'échapper. Ok, ok. Ouais, bah d'ailleurs, je vous invite tous à aller jeter un œil sur... Il y a un sujet hein, sur les ateliers imaginaires consacrés à Chrysopée, de même qu'il doit y en avoir un consacré à Sacrifice. Oui. Tandis que sur Whitebooks, Eric, je pense qu'on peut suivre ça sur ton compte Google+, notamment. Ouais, je suis allergique au forum depuis les grandes Flame Wars de 1998. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Morgane, sur ton expérience sur Chrysopée? Non, je crois que j'ai fait le tour. Je suis suffisamment blablatée comme ça. Sauf si vous avez des questions. Non. Donc voilà, alors j'ai fait le tour. Ok. Alors, quant à moi, ce que je voulais parler, c'était mon expérience personnelle, mais moins sur un projet en particulier, plutôt sur une... on va dire une période de ma vie où justement j'ai un petit peu alterné entre... Non, je vais pas dire que j'ai alterné entre le lâcher prise et le contrôle parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui lâche prise facilement en fait. C'est même plutôt mon problème. Parce que en fait, c'est vrai que souvent vous employez le mot lâcher prise pour parler de périodes où, entre guillemets, on se laisse aller... Et je suis pas sûr que ce soit du lâcher prise. Enfin bon, bref. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu être créatif à plein temps. Enfin, pas toujours. Grosso modo, j'ai voulu être créatif à plein temps à peu près depuis que je suis au lycée, quoi. Mais comme j'ai fait des mauvais choix de carrière, c'est-à-dire que je me suis orienté vers une carrière scientifique, bah, à partir du lycée aussi. Bon, peut-être qu'à l'époque, c'était le choix qu'il fallait faire, quoi. C'était un choix de raison, peut-être. Puis je savais pas exactement où je voulais en venir, quoi. J'écrivais des bouquins, mais c'était quelque chose que je pouvais faire en plus d'une vie normale, quoi. Et bref. Donc j'ai poursuivi cette carrière scientifique et qui, en fait, m'a rendu assez malheureux. Jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'encore aujourd'hui, hein, je suis conseiller agricole, donc je suis toujours dans la filière scientifique, toujours engagé professionnellement là-dedans. Et il y a eu des périodes où j'ai vraiment mal vécu en fait ce décalage entre mon métier, si on veut, mon corps de métier, et puis mon métier de cœur qui est plutôt écrivain, quoi, que ce soit écrivain de romans ou écrivain de jeux de rôle. Et ce qui était marrant, c'est que je me disais quand je serai au chômage, au moins je vais pouvoir tout exploser, je vais avoir tout mon temps pour écrire. Là, ça va être génial. Et la vérité, c'est que j'ai connu deux périodes de chômage de longue durée. Hein. Je crois que c'était une fois 8 mois, une fois 1 an. Et en fait, j'ai pas du tout été créatif à ces périodes-là. Je me suis pourtant, enfin, j'avais clairement du temps, hein, parce que en plus de ça, quand j'étais au chômage, je consacrais vraiment pas beaucoup de temps à la recherche d'emploi, vu que j'étais pas motivé. Et j'ai vraiment pas, par contre, j'ai passé mon temps, on va dire, à me gaver de culture, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de jeux vidéo, j'ai fait énormément de jeux de rôle. J'ai lu plein d'articles sur Internet à propos du jeu de rôle, à propos de la littérature, de la musique, tout un tas de trucs. Je me suis gavé de références, j'ai regardé un tas de films, j'ai lu un tas de bouquins. Mais clairement, je crois que la première période de chômage, j'ai dû écrire une cinquantaine de pages. J'ai fini un bouquin, quoi, qui était avancé. Bon, voilà, j'ai écrit 50 pages. Et puis la deuxième période, c'est pareil, j'ai dû écrire une centaine de pages, quoi, avec une mise en page ultra moche. C'était le premier jet de Milvo. Et donc ensuite, j'ai retrouvé du boulot. Et si on veut, bah, l'état dépressif où j'étais a continué à s'empirer, quoi. Et j'ai eu une période que je qualifierais de bored out. Le bored out, grosso modo, c'est une sorte d'ennui profond, quoi. D'ennui au travail, d'ennui professionnel. Et je passais beaucoup de temps au boulot, en fait, à glander sur Internet. Donc c'était marrant parce que je tirais au flanc. C'est-à-dire que je faisais pas mon taf. Mais le temps que je passais à tirer au flanc, à la limite, j'aurais pu l'écrire, quoi. Hein. J'aurais pu écrire. Tu peux écrire quand t'es au boulot. Voilà, moi je travaille sur un ordinateur. À la limite, j'aurais pu écrire. Enfin, si je devais totaliser la somme du temps que j'ai passé sur Internet à glander, j'aurais pu écrire voilà, une tonne de romans, quoi. Et voilà, ça venait pas, quoi. J'avais que envie de m'échapper. Et donc principalement, bah, c'est là où mon addiction sur Internet s'est vraiment développée. Enfin, j'en parle pas mal dans Outsider de l'addiction à Internet, quoi. En fait, tout ce qui est comportement addictif, dépendance, donne une fausse impression de lâcher prise. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu passes une heure à glander sur Internet, au moins tu es concentré sur ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, voilà, te balader sur Internet sans but, quoi. Et donc t'as faussement l'impression d'être dans le présent, t'arrêtes de cogiter quand t'es en train de le faire. C'est également ce que procurent les drogues, en fait. Ce que les gens recherchent par un état second, c'est justement cette fausse impression de lâcher prise, tout simplement parce que quand on laisse parler sa dépendance, on arrête de penser, quoi, quelque temps, quoi. Alors ensuite de ce phase de bored out, vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Burn-out, c'est quasiment l'inverse, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. C'est-à-dire que bah, comme je glandais au boulot, bah, j'ai fini par accumuler beaucoup de retard. Et donc ça a eu l'effet de me réveiller, c'est-à-dire que j'ai arrêté de glander, je me suis mis au boulot, mais le problème c'est que j'avais tellement, tellement de retard que je me suis retrouvé débordé complètement. En plus, j'étais pas organisé, hein, puisque je m'étais jamais intéressé. Comment? En fait, je crois que jamais de ma vie, je m'étais intéressé à l'idée d'être efficace dans son travail. Que ce soit au niveau du boulot ou que ce soit dans mon travail créatif, quoi. Jamais je m'étais posé la question de est-ce qu'on pouvait faire des choses pour voilà pour être efficace, pour mieux travailler, pour être plus productif, tout ça. Donc je m'agitais dans tous les sens pour essayer d'éteindre des incendies que j'avais moi-même allumés au travail. Et ce qui est marrant, c'est qu'à peu près en même temps, je me suis aussi mis la pression pour finir des trucs créatifs à la maison. Notamment Milvo, sur lequel j'ai commencé à faire des choses un peu plus sérieuses qu'avant. C'est à peu près cette période-là où je sors le fanzine putride, hein, qui est, on va dire, la première publication un peu sérieuse que j'ai faite pour Milvo. Et donc, voilà, au terme de quelques mois de complet débordement, j'ai fait un burn-out qui a failli être grave, hein. Je pense que j'étais pas loin de J'étais pas loin de l'arrêt maladie, hein, donc j'ai suivi une psychologue du travail pendant 8 mois. Enfin, on peut plutôt dire que c'est elle qui m'a suivi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que la psychologue, elle essayait de me. Elle m'avait passé des bouquins sur le lâcher prise, mais à cette époque-là, je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire. Elle m'a aussi passé des bouquins sur le contrôle, et c'est plutôt cela que j'ai utilisé dans un premier temps. C'est-à-dire que j'ai mis en place tout un tas de. Alors, je vais pas trop déborder là-dessus parce que je crois que Eric va en parler. J'ai mis en place tout un tas de routines assez complexes pour être plus productif. Ce qui m'a permis en fait de rattraper tout mon retard au boulot, ce qui m'a permis aussi d'aller plus vite au niveau créatif. Et c'est à partir de ça, quelques temps après en fait, que j'ai créé le blog Outsider et où j'ai commencé à me dire que la principale solution, la cause et la solution de tous mes problèmes, c'était moi-même en fait. Et notamment, je souffrais beaucoup d'avoir jamais été édité, hein, que mes romans avaient jamais été édités. Et donc, avec Outsider, en fait, je me suis mis à auto-éditer les romans que j'avais déjà écrits. Et en l'espace d'un an, j'avais publié 9 bouquins, quoi. Mais c'était vraiment avec des techniques de contrôle. Je suis allé jusqu'à des choses très dures, hein, comme. La technique Pomodoro, à la limite, j'en expliquerai pas d'autres, juste expliquer celle-là. La technique Pomodoro, c'est une technique de travail qui part du principe que notre temps de concentration, il dépasse pas 25 minutes. Et donc, en fait, je me mettais des chronos. En fait, je me disais, sur cette, je vais faire telle tâche. Je vais planifier trois, comment? 3 chronos, donc je bossais pendant 25 minutes, tac, le chrono sonnait, je faisais une pause de 5 minutes, tout autant chronométré, hop, je me relançais dans 25 minutes, ainsi de suite, quoi. Technique Pomodoro, c'est quelque chose que je suis allé jusqu'à la pratiquer tout le temps, quoi. C'est-à-dire que je la pratiquais au boulot, et quand je rentrais à la maison, je la pratiquais sur mon temps créatif, hein. Sachant que, donc grosso modo, je me faisais des semaines entre les 35 heures de boulot plus. Plus le temps créatif, je me faisais des semaines de 50-60 heures chronométrées. Alors ça a été très très efficace du point de vue des publications. Après aujourd'hui, bon, j'en suis revenu, hein. Technique Pomodoro, c'est fini, hein. Je pense pas que je connais personne qui a réussi à tenir bien longtemps sur cette technique-là. Je crois que j'ai dû faire pendant un an, hein, quand même, pas loin. Ah Ah oui, ouais, tout de même. t'es sans doute le record mondial. Je conseille pas, hein, c'est-à-dire que. Il Enfin, m'arrive de le la faire technique. pour des tâches, pour des tâches super ponctuelles. Il m'arrive de mettre un chrono en me disant, bon, t'as une demi-heure pour finir ce putain de truc à la con qu'il faut que tu finisses depuis 1 heure. Et ça marche, mais ça va marcher une fois dans la semaine. Le lendemain, ça marchera pas, quoi. Mais c'est une béquille qui peut aider, mais je ne me vois pas faire ça tous les jours de toutes les semaines pendant 1 an. Je crois que la technique Pomodoro, je la conseillerais pour des phases de crise. C'est une méthode, c'est ce que j'appelle une méthode de crise. C'est-à-dire que c'est pas une toute méthode de routine. C'est appliqué si vous êtes en situation de crise et si vous avez besoin, soit par contrainte extérieure, soit par contrainte intérieure, si vous avez besoin d'être extrêmement productif à un moment donné. Moi, en fait, j'avais besoin d'être extrêmement productif pour restaurer mon estime de moi, en fait, qui était vraiment détruite, quoi. Et ça m'a permis, en fait, ça m'a sorti la dépression, hein, tout simplement, quoi. Et je pense que c'est, à la limite, s'il y a un public à qui je conseillerais la technique Pomodoro, c'est des publics de type classe prépa ou école de médecine, quoi. Moi, j'ai utilisé ça en période d'examen à la fac, mais pas sur des périodes de 25 minutes, sur des périodes un peu plus longues. Moi, j'ai une question, Thomas. Est-ce que tu penses, dans le contexte, que c'était vraiment, est-ce que tu aurais pu le faire sans chrono? C'est-à-dire te dire, ok, là, je bosse pendant 25 minutes, gardant l'œil sur ton horloge ou un truc comme ça, mais est-ce que tu aurais pu te passer du chrono?